Toujours à la même occasion, le camarade Kim Jong-un a reçu les félicitations du président du Parti révolutionnaire tanzanien, du secrétaire général du mouvement de la résistance nationale ougandaise, du président du Parti démocrate libéral russe et du président du Parti de la Russie juste. Les dessinateurs l'ont sincèrement félicité pour son élection à la présidence du Parti Travail de Corée lors du 7e congrès et indiqué de développer toujours les rapports d'amitié et de coopération avec le Parti coréen. Ils ont souhaité santé au camarade Kim Jong-un, ainsi que de nouveaux succès dans son travail pour édifier le socialisme en Corée et défendre la souveraineté de la République populaire démocratique de Corée.